Mr. Tom, give me the good song. Nice, nice keyboard. Analog. My own. bass drum. I like the bass drum. Boom, boom. It's my house. monsieur, un des vieux, hein. Thank you. moi j'étais perdu, je savais pas qu'est-ce qu'il va faire. On est content alors, la B-Box. C'est tout en illimité. C'est bien la B-Box, hein? Just bond. The